Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les principaux titres. Un demi-million de journalistes étaient incarcérés dans le monde jusqu'au 1er décembre 2022. Cela ressort du rapport de Reporters sans frontières à la veille de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et à ce propos, l'Union européenne constate que le Burundi a enregistré des avancées. Le ministre de l'Intérieur a rencontré ce mardi les membres de la Commission électorale nationale indépendante pour échanger sur les préparatifs des élections en se basant sur la nouvelle loi sur l'administration territoriale. Vous suivrez le ministre Nitelete et donc sur ce qui se sont convenus. La rencontre de l'actuel numéro 1 burundais avec deux de ses anciens présidents prédécesseurs démontre une volonté politique de gouverner différemment. C'est l'avis du docteur Guillaume Ndaikengurutse, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Isanganiro, la radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue. La liberté de la presse a enregistré des avancées au Burundi, constat de l'ambassadeur de l'Union européenne dans un point de presse tenu ce mardi à la veille de la célébration de la Journée internationale de la presse. Ambassadeur Claude Bochou apprécie la pluralité des médias ces derniers jours. Ce diplomate salue la communication entre le Burundi et l'Union européenne quant à l'appui de ce partenaire. Suivez-le. Pour ce qui concerne l'impact des activités de la coopération Union européenne-Burundi, on a fait quand même quelques efforts en termes de communication de ces impacts. On a aussi fait la journée de la coopération. J'ai moi-même effectué plusieurs descentes de terrain avec les autorités burundaises sur des projets financés par l'Union européenne. Et nous avons organisé des visites conjointes des ambassadeurs de l'Union européenne avec les autorités burundaises sur des projets financés par l'Union européenne et ses États membres. La perception que vous répercutez là, moi je ne la partage pas. Nous faisons des efforts pour montrer aussi qu'elle n'est pas correcte. Pour ce qui concerne la liberté de presse, il y a des améliorations qui ont été enregistrées dans ce pays. Et d'ailleurs, le classement de Reporters sans frontières deux années de suite y a fait écho. La progression du Burundi a été vraiment remarquable. Donc je trouve ça très positif. Et comme vous savez, un certain nombre de médias ont à nouveau été autorisés à venir au Burundi. Certains sont revenus. C'est que tout n'est pas encore parfait. Donc je crois que chaque pays évolue à son rythme en fonction de sa sociologie. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand un pays arrive de manière un peu inattendue à faire des progrès qui sont qualifiés aussi considérables par des organisations de journalistes. Pour moi, ça a du poids. Effectivement, c'est ces médias qui étaient interdits tous à nouveau être actifs maintenant. Et oui, toujours sur la même page média, le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Cette journée arrive au moment où le rapport de Reporters sans frontières révèle que 533 journalistes étaient incarcérés jusqu'au 1er décembre 2022. Selon le communiqué de l'ONU sorti ce mardi, à l'occasion de cette journée, il existe dans le monde entier la désinformation et les rumeurs qui sont propagées par les réseaux sociaux. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Le 3 mai a été proclamé la Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel des journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la déclaration de WikiLeaks sur le pluralisme et l'indépendance des médias. L'année 2023 marque le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Décennies au cours desquelles nous avons vu des progrès substantiels en faveur d'une presse libre et de la liberté d'expression dans le monde entier. La multiplication des médias libres dans de nouveaux pays et la montée en puissance des nouvelles technologies ont permis de fluidifier la transmission de l'information. Cependant, la liberté de la presse et la sécurité des journalistes et la liberté d'expression sont de plus en plus mécanisées. Cette journée arrive au moment où la communauté internationale fait face à des crises multiples, conflits et violences violence, persistance des inégalités socio-économiques qui alimentent l'immigration, crise environnementale et sanitaire qui affecte le bien-être des populations dans le monde entier, selon le communiqué sorti ce mardi par l'ONU. Dans le même communiqué, on signale que la mésinformation et la désinformation en ligne prolifèrent, ce qui a un impact sur les institutions qui soutiennent la démocratie et l'état de droit et les droits fondamentaux. Le bilan des exactions commises contre les journalistes dans le monde entier, publié chaque année par le Reporters sans frontières, enregistre en 2022 un record de 533 journalistes en détention. Le nombre de journalistes tués dans le monde est 57. En outre, 65 journalistes sont en otage et 49 autres portés disparus. Selon ce rapport qui a été publié le 1er décembre 2022, classe le Burundi dans sa 7e place, 680 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constituer également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. La journée de cette année aura pour thème « Faconner un avenir des droits, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. » Merci Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Que le président burundais rencontre et discute avec deux de ses prédécesseurs. Cela démontre sa volonté de gouverner différemment en point de vue d'un spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Dr Guillaume Ndaikengurutse indique que c'est une rencontre importante dans la vie d'une nation. Il le dit après que des images aient circulé montrant l'actuel numéro 1 burundais et les deux anciens présidents. Guillaume Ndaikengurutse, il est au micro de Mireille Kanyangi. C'est une rencontre importante dans la vie d'une nation. C'est une rencontre importante. Le Burundi a la chance d'avoir des anciens chefs d'État qui sont toujours vivants, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays d'Afrique. Et depuis 2020, nous remarquons qu'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État de gouverner différemment. Et cette volonté se manifeste entre autres par le fait que le président de la République essaie de consulter plusieurs catégories de population, plusieurs personnalités, même les personnalités qui sont en dehors de son parti politique. Et donc c'est tout à fait normal au regard de l'expérience que les deux chefs d'État ont pu avoir, qu'ils ont eu à gérer le pays dans des circonstances assez difficiles et des circonstances différentes de celles d'aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que le chef d'État actuel puisse avoir des relations avec ses anciens chefs d'État. Leurs expériences différentes peuvent l'inspirer aujourd'hui dans sa façon de gouverner. Et surtout que ses anciens chefs d'État et le chef d'État actuel ne sont pas, à ce que nous sachions, des mêmes tendances politiques. Ça aussi, c'est très important. Et c'est-à-dire, le chef de l'État peut avoir plusieurs lectures, des lectures diversifiées de la situation actuelle dans son processus de prise de décision. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 18 heures passées de 9 minutes, le journal continue. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a rencontré le matin de ce mardi les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. À l'ordre du jour, ils ont échangé sur les préparatifs des élections en se basant sur la loi organique portant détermination et délimitation des provinces, communes et zones. Et à l'issue de cette rencontre, Martin Niteretse précise qu'ils se sont convenus que d'ici peu de jours, il y aura une réunion avec les partis politiques pour la bonne compréhension de la préparation des élections. Suivez-le. Le décision portait sur un seul point, était que ceux d'échanger par rapport à la nouvelle loi portant délimitation des provinces, des communes, et des zones, des collines ou quartiers. C'était question de partager les points de vue parce que, vous le savez, lundi de la semaine passée, c'était le 24 avril 2023, on a tenu une réunion avec les responsables ou les représentants légaux des partis politiques. L'une des recommandations assorties de cette réunion, c'était que les partis politiques ont souhaité qu'on échange avec l'organe qui organise les élections, CENI, sur la compréhension commune avec toutes les parties prenante par rapport aux dispositions pertinentes de cette nouvelle loi. Et on a conclu que d'ici peu, on organise une réunion alors conjointe entre le ministère, la CENI et les représentants des partis politiques pour échanger effectivement des points de vue de la CENI et les points de vue des partis politiques pour que ces points de vue-là, on a constaté que ce sont des points de vue qui sont plutôt complémentaires, ne divergent pas, mais il faut qu'on ait des réunions pour partager effectivement certaines hypothèses qu'on doit mettre en commun et à trouver des solutions communes. C'était Martin Niteletse, le ministre de l'Intérieur. Et l'actualité en province, plus de 100 maisons détruites depuis le début de la saison pluviale cette année en commune Kayanza. Et c'est une annonce de Gilbert Nyandoui, administrateur de cette commune. Cette autorité administrative communale de Kayanza fait savoir que certaines des causes de cet incident sont principalement les constructions anarchiques ces derniers jours en ville de Kayanza et le manque de puisards qui recueillent les de la pluie dans certaines parcelles. Gilbert Nyandoui indique que dès lors, avant la construction d'une nouvelle maison, l'Office burundais de l'urbanisme devra être consulté. Patrick Senghioum va pour les détails. Selon des informations fournies par le bureau communal Kayanza, 120 maisons qui ont été détruites et 106 le sont partiellement, tandis que 14 autres le sont totalement. La colline de la commune Kayanza qui enregistre un grand nombre de maisons détruites et moussavées, dont la grande partie est constituée de la ville de Kayanza, où 34 maisons ont été détruites partiellement et 10 autres totalement. Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, fait savoir que certaines des causes de la destruction de ces maisons sont les constructions anarchiques ces derniers jours, surtout en ville de Kayanza, et certains propriétaires des parcelles des maisons qui n'ont pas aménagé des puisards qui recueillent les eaux de la pluie. Selon cette autorité administrative et communale Kayanza, les eaux de ruissellement démolies à cet effet les maisons des voisins. Des ravins d'ici et là en commune Kayanza hantent également la population à Kayanza de leurs maisons en sont proches. 10 ménages ont d'ailleurs déjà déménagé selon l'administration en commune Kayanza. Les autorités communales à Kayanza appelle la population qui les représente à la solidarité locale et en prêtant main forte aux victimes, surtout dans la construction de nouvelles maisons à travers les travaux de développement communautaire. Et dans le but de prévenir que de tels dégâts se font remarquer prochainement dans de telles saisons pluviales, l'administration communale Kayanza a informé à la population que désormais, avant la construction d'une nouvelle maison, l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat devra être consulté. Depuis Kayanza, Patrick Senghioum pour la radio Isanganilo. Des femmes des communes Rugombo et Mugina de la province Chibito qui évoquent subir des violences économiques. Ces femmes disent qu'elles n'ont pas accès à la production agricole une fois vendues. Cela entrave le développement de leur famille, déplorent-elles. Des séances de sensibilisation sont organisées à l'endroit des hommes sur ce comportement, signale l'administration de ces communes. Le point avec Moïse Misago. La plupart de ces femmes qui subissent des violences économiques sont des cultivatrices. Elles disent que leurs maris jouissent exclusivement le revenu de leur récolte une fois vendue. Ils ne m'informent rien à propos de ce que nous avons récolté et jusqu'à maintenant même, je ne sais pas là où il a mis la récolte du riz ainsi que l'argent que nous avons. Il a utilisé l'argent de sommier, il a jeté l'alcool et des habits. Dans mon foyer, je suis vraiment discriminée. Nous avons des chats et je me préoccupe assez de nos champs. Par exemple, pour le moment, j'ai planté du riz à Kigobe. À la récolte, mon mari va prendre du riz et amener à la machine un moulet de riz, mais il ne va pas me dire la gestion de tout cet argent. Ces femmes déplorent que leurs conjoints contractent des crédits à leur insu. Des fois, l'argent issu de la production familiale est utilisé pour le remboursement de ces crédits. Cette situation entrave le développement des familles, disent-elles, car elles éprouvent des difficultés pour subvenir aux besoins de leur ménage. Ainsi, des enfants ne fréquentent pas aisément l'école. Au sein de l'association des femmes rapatriées du Burundi à Frabou, l'une des organisations qui milite pour les droits des femmes, l'on essaie de réconcilier des couples en pareille situation. Lors de la récolte, des hommes adoptent des comportements à caractère discriminatoire, déplore Léontine Ndinduruvugo, représentante de la Frabou dans la province de Chibitoke. Il y a des familles où les femmes sont en situation de pauvreté alors qu'elles essaient de travailler dur pour s'en sortir. Mais parce que leur mari leur fait exclure de la gestion des revenus de la famille, les femmes ne sont pas rien à propos et leur mari l'utilise comme il veut. Au sein de l'administration de la commune Rugombo, l'on reconnaît ces cas de violence économique à l'endroit des femmes. Patrick Ichoitungye, conseiller chargé de l'administration et des affaires sociales, trouve que la plupart des femmes femmes qui subissent ces violences économiques sont en situation d'union libre. Des sensibilisations pour le changement des comportements sont organisées, indique cette autorité. Au niveau de l'administration, nous essayons de faire une sensibilisation pour que les ménages d'abord soient conscients de l'utilisation, de la bonne utilisation de la fortune du ménage, parce que s'il y a la production au niveau du ménage, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit l'homme, ils ont contribué de façon égale pour cette production. Cet administratif chargé des affaires sociales précise qu'il reçoit 5 femmes par jour ayant subi des violences économiques. Actualité internationale. Et en actualité internationale, non loin de chez nous, le ministre ougandais du Travail, Charles Okello Engola, a été assassiné chez lui à la maison ce mardi 2 mai par son garde du corps. Selon le porte-parole adjoint de la police de Kampala, Luc Oweyesigire, qui confirme cette information, cet événement s'est produit quelques minutes après que le ministre venait de clôturer les manifestations de la journée du travail. Le garde du corps a tiré sur son patron et a retourné l'arme contre lui pour mettre également fin à sa vie. La présidente du Parlement ougandais, Anita Among, indique que le lieu du crime est gardé par des agents de la sécurité. À noter que le ministre assassiné était un colonel de l'armée ougandaise à la retraite. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakidzimana pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous étiez avec Raissa Liliane Inamahoro. Très bonne suite des programmes sur la radio-télévision Isanganiro.